Joseph Sabiyabandi. Auteur de la radio Isanganiro, bienvenue dans ce journal. Un certain Jean-Claude Bachirahishize est tombé hier sous les balles tirées par les militaires à la frontière des communes Mukike et Mugongo-Manga. L'administration locale indique qu'il a été tué quand il tentait de s'échapper. Des partis politiques agréés au Burundi demandent le rapatriement du dialogue extérieur. Ils ont formulé cette demande dans une résolution signée ce week-end à Gitega. Et l'acteur politique Tassien Sibomana s'indigne de la consultation partout dans le pays des monuments du parti au pouvoir. Il indique que ces constructions ne respectent pas la loi. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Une personne connue sous le nom de Jean-Claude Bachirahishize est tombée sous les balles des militaires à la frontière entre Mugongo-Manga et Mukike. Les balles qui l'ont touché ont été tirées alors qu'il s'échappait à partir d'un véhicule de type Probox à bord duquel il était. Le chef de zone Lukina, Séverin Daizeye, fait savoir que la victime a tenté de fuir alors que les forces de l'ordre procédaient à la vérification des papiers d'identification. On l'écoute, il est traduit par Aubin Niyonguru. Les militaires étaient en patrouille près de la localité communément appelée Nonoka à la frontière des communes Mukike et Mugongo-Manga. Ils ont stoppé un bus pour la vérification de la carte nationale d'identité ainsi que toute autre chose susceptible de perturber la sécurité. Deux garçons, y compris Jean-Claude Bachirahishize, et un autre sont sortis en courant. Au moment où le bus est arrêté, les deux ont voulu y échapper. Les militaires les ont poursuivis par balles. Jean-Claude Bachirahishize a succombé par là. Mais l'autre, Rémi Ndayishimiye, on ne sait pas encore où il se trouve pour le moment. Les deux garçons ne vivaient plus dans la commune de Mukike il y a une année. Ils étaient poursuivis par la justice, accusé de possession illégale d'armes. Les militaires disent que cette personne a été emportée par des balles puisqu'elle avait voulu échapper et que les forces de l'ordre n'avaient d'autre moyen que de le poursuivre. Séverin Daizeye, chef de zone Lukina, il est traduit par Aubin Niyonguru. Pour en savoir plus de la mort de Claude Bachirahishize, nous avons essayé de joindre le porte-parole des forces de défense nationale, mais sans succès. À mort, c'est le bilan d'un accident d'un véhicule Toyota de type Hilux double cabine, immatriculé D3164A, survenu samedi soir à la colline Kagari de la zone Gachoro. Nous sommes en commune Gachoro de la province Muyinga. Le porte-parole adjoint de la police indique que le véhicule accidenté appartient à un certain Nassano Oscar, selon les documents trouvés dans le même véhicule. En certain Joseph Nyandui de la colline Taba, nous sommes en commune Songa de la province Bururi et dans les mains de la police judiciaire de Songa depuis la nuit de ce samedi. Il est suspecté d'être à l'origine de la mort de son épouse. Jean-Pierre Misago, correspondance. Les informations recueillies auprès des habitants de la sous-colline Moussoumba de cette même colline de Taba indiquent que Nyandui Joseph a été arrêté vers 22h de ce samedi. Selon ces informations confirmées par l'administration locale et la police, la population appuyée par la police avait encerclé peu avant 22h l'enclos de Joseph Nyandui pour l'empêcher de prendre le large. Cette population venait en effet d'apprendre la mort de sa femme à la maison la même nuit et a soupçonné son père de cet enfant d'en connaître quelque chose. L'administration locale dit avoir été alertée par les voisins de cette famille. Ces derniers, quant à eux, avaient été avertis par les enfants de la victime. Les sources auprès du commissariat de police à Bururi indiquent que la police exploite la piste selon laquelle cet homme, qui ne vivait pas en harmonie avec sa femme, a fait boire celle-ci par force de l'eau et du primus dont on ignore le contenu avant qu'elle ne rende son âme. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Toujours sur la page sécurité, environ 5 ménages de la colline Gikobe, nous sommes en zone Gitega rurale, ont été cambriolés dans la nuit de ce samedi par un groupe d'hommes armés. non encore identifié. L'adjoint du commissaire provincial de la police à Gitega indique qu'il s'agit d'un groupe de bandits qui a volé de l'argent et des téléphones portables. Il ajoute que la police est à ses trousses. Ses correspondances signées Arthur Kavaouchi. Selon les informations en provenance de l'adjoint du commissaire provincial de la police à Gitega, c'était vers 22h30 de la nuit de ce samedi à dimanche qu'un groupe d'hommes non encore connus est passé sur la colline Gikowe de la zone Gitega rurale. Comme il le dit, ce groupe a cambriolé 5 ménages se trouvant sur cette colline. Et parmi ce qui a été volé, il y a l'argent et les téléphones dont on ignore jusque-là la valeur. Il indique que même s'il y a une certaine opinion qui circule, comme quoi il s'agit d'un groupe d'hommes armés, que c'est faux et qu'il s'agit d'un groupe de bandits et qu'ils sont en train de tout faire pour le démanteler. L'agent du commissaire provincial de la police à Gitega souligne que dans ce cambriolage, aucune perte humaine et aucun blessé à signaler. Il demande à la population d'alerter la police sur toute situation suspicieuse. Cependant, certains habitants de cette localité contactée demandent à la police de redoubler de vigilance pour assurer leur sécurité ainsi que la sécurité de leurs biens, tout en indiquant qu'ils ne manquent pas de peur car ce groupe n'est pas encore démantelé. Sachez que ce genre de groupe a été signalé dans le passé sur certaines collines des communes comme Nyarusange et Yansoro de la province de Gitega il y a plus de 6 mois. Arthur Kavaouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Les leaders des partis politiques demandent à la communauté africaine d'appuyer le facilitateur dans le but de faciliter le rapatriement du dialogue qui se déroule à Arusha. Dans une résolution sortie à la fin d'un atelier qui a eu lieu dans la province de Gitega à la fin de cette semaine, les leaders de certains partis politiques ont aussi recommandé au gouvernement d'organiser la révision de la constitution en tenant compte du dialogue inter-burundais. L'essentiel de cette résolution nous est lu par Aubin Niyonguru. Ces leaders et responsables de certains partis politiques recommandent au gouvernement de réviser la constitution en tenant compte du résultat du dialogue inter-burundais en cours. Ils souhaitent que cette constitution soit adoptée par voie de référendum et soutiennent la mise en place d'une commission chargée de proposer le projet d'amendement de ce texte de loi. Dans cette résolution, ces responsables politiques veulent que le gouvernement renforce l'espace politique en créant un environnement propice pour les prochaines élections. Ils exhortent aussi les pays qui hébergent les réfugiés burundais de faciliter leur rapatriement volontaire. Dans la même résolution, ces leaders politiques demandent à la communauté est-africaine d'appuyer le facilitateur dans le but de rapatrier le plus rapidement possible le dialogue qui se déroule à Arusha. Cela, précise-t-il dans leur résolution, va permettre de garantir la participation de tous les partis politiques agréés au Burundi. Merci à Aubin Niyonguru, l'acteur politique Tassian Sibomana, s'insurge contre la résolution de ces partis politiques qu'il qualifie d'être des satellites du parti au pouvoir. Il estime que le dialogue extérieur doit poursuivre pour permettre aux Burundais vivant en exil d'y participer. Tassian Sibomana estime aussi que les monuments du parti CNDD-FDD érigés dans plusieurs endroits en mairie de Bujumbura, mais aussi à l'intérieur du pays, ne respectent aucune loi burundaise. Il s'indigne aussi des propos de l'assistant du ministre de l'Intérieur qui dit que la construction de ces monuments ne cause aucun problème. On l'écoute. D'abord, je ne sais pas s'il faut appeler cela monument ou insigne du parti, peu importe. Mais de toute façon, que ce soit des monuments ou autre chose, ils n'ont respecté aucune loi. Ils ne respectent ni la constitution, ni les dispositions du code électoral, ni celles des partis politiques. Pour preuve, d'abord, ces monuments ou quoi d'autre sont implantés soit dans les routes, soit juste au bord de la route, y compris même devant les établissements secondaires où il est strictement interdit de parler politique devant ou pendant les enseignements dans les écoles secondaires et primaires. C'est donc une violation de plusieurs lois en même temps. Vous savez très bien que pour juguler le phénomène d'accident de la circulation routière, sous d'autres cieux, et même ici chez nous, il est clairement indiqué que entre le bord de la route et une autre infrastructure, que ce soit privée ou publique, il doit y avoir un espace d'au moins 5 mètres de largeur. Pour d'abord se donner la latitude de procéder à l'extension de la route le moment venu, mais aussi et surtout permettre l'aménagement des pistes cyclables et pour les piétons, pour éviter justement l'encombrement des routes qui cause tant d'accidents, qui engendrent des morts. L'autre loi qui a été violée, je parlais de la Constitution. L'article 78 est très clair. La première phrase de cette disposition dit que les partis politiques, dans leur organisation, leur fonctionnement, doivent répondre aux principes démocratiques. Or, et c'est la deuxième raison qui nous pousse à désapprouver, à même condamner l'implantation de ces monuments, s'il faut les appeler ainsi. Et au niveau de certains de ces monuments, il est écrit, je paraphrase, « Nous avons accédé au pouvoir. Après tant de peines, nous n'allons pas y quitter. » C'est contraire à cette phrase, à cette partie de la disposition de la Constitution qui stipule que, dans leur fonctionnement, dans leur organisation, les partis doivent répondre aux principes démocratiques. Et s'il faut reposer la question à cet assistant et porte-parole du ministre de l'Intérieur, et si demain on organisait des élections et que le parti CNDD-FDD était battu, sont-ils prêts à remettre le pouvoir au parti gagnant, oui ou non? Donc vous comprenez que déjà, ça c'est un vice très très coupable. L'acteur politique Tassian Sibomana considère aussi que la construction de ces monuments est faite dans le but de la campagne du CNDD-FDD, alors que cette période doit être déclarée officiellement. Le président du tribunal de résidence en commune Guitaramuka, nous sommes en province Kalusi, a battu une justiciable au bureau de l'officier de police judiciaire. Selon les informations recueillies sur place, cela s'est passé ce vendredi lorsque une femme venait porter plainte contre un certain Mhebelane Venant qui aurait détruit ses champs de culture. Correspondance signée Pascal Blaise Kalalumi. C'est ce vendredi que le président du tribunal de résidence de la commune Guitaramuka, province Karusi, a battu à coups de gifle une justiciable d'une autre origine Kamanzi. Selon les sources de la police et de la population sur place et confirmées par le procureur de la République, cette mère de deux enfants a été battue au bureau de l'officier de police judiciaire où elle avait porté plainte pour une destruction méchante de ses cultures. Madame Kamanzi Régine s'était présentée pour confrontation avec M. Venam Heverane, accusé de cette destruction méchante. C'est ainsi que son monsieur s'est présenté au bureau de l'OPJ, accompagné de son président du tribunal de résidence, Albert Nahayo. Selon les mêmes sources, ce juge a demandé à l'OPJ de ne pas se mêler dans les conflits qui opposent son Venam Heverane et son ancienne femme, Kamanzi Régine. Cette dame avait eu gain de cause dans un procès qui l'opposait avec cet homme et le tribunal avait attribué à cette femme une propriété en vue de faire vivre les deux enfants qu'elle avait eus avec cet homme. Du moment que M. Albert Nahayo prétexte avoir battu cette mère suite à une diffamation en lui accusant de corruption, le procureur de la République indique que son président du tribunal de résidence de Guitaramuka a commis une infraction en se faisant justice et explique que ce juge devrait saisir les instances habilitées. Pour l'emprisonnement de cette mère Kamanzi Régine, le procureur explique que c'est pour des raisons d'enquête. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kalalumié pour la radio Isanganiro. Merci à Kalalumié de Karusi. Nous nous rendons à Gitega où la production agricole sera bonne dans la province de Gitega au cours de la saison culturelle B. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Gitega qui l'affirme promet que les récoltes seront de loin supérieures par rapport à la saison culturelle A. Suivez Victor Lura Kengereza, directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage. Il répond aux questions de Pascal Niyoyahunze. Il y a une semaine, nous venons de faire un exercice vraiment d'établir des prévisions estimées de production que nous allons avoir cette saison. Nous estimons une production qui atteindra 10 945,8 tonnes et avec la saison A où nous avons une production de 8 482,8 tonnes pour faire en tout cette année 2017 18 628,6 tonnes. Et comparativement à la production de l'année 2016, où nous avons eu 16 825,69 tonnes, nous voyons que nous aurons effectivement 1802,91 tonnes de plus. Donc, pour vous dire qu'en peu de temps, la production sera meilleure si l'atmosphère nous reste toujours souriant. Hormis ces intempéries atmosphériques, est-ce qu'il y aurait d'autres barrières qui pourraient entraver la production ici dans votre province? Nous craignons toujours l'état effectivement de l'atmosphère, où on observe tantôt des déficits hydriques ou un excédent effectivement des pluies. Mais cette année, effectivement, nous avons eu la chance, nous n'avons pas observé de cas de déficit hydrique. Mais avec le début de la saison littorale, nous avons observé dans pas mal de localités, surtout dans la commune de Guilleta, où nous avons observé la tombée des grêles, mais qui n'a pas fait beaucoup de répercussions sur cette saison. Victor Lura-Kengereza, il est directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Gitega. De Gitega, nous nous rendons à Bubanza où les éleveurs en commune Gihanga n'ont pas encore adhéré au système d'élevage moderne malgré les recommandations des responsables vétérinaires et de l'administration. Sur 70 000 vaches que compte cette commune, près de 50 000 sont de race encolée, Spes Caritas Cabagnana. Les autorités provinciales et les responsables vétérinaires de cette province de Bubanza ne cessent de recommander aux éleveurs d'adhérer à l'élevage moderne et de laisser tomber l'élevage extensif qui donne par ailleurs des rendements médiocres selon les techniciens vétérinaires. Les mêmes responsables administratifs et vétérinaires indiquent que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a mis en place une loi recommandant à la population de faire un élevage dans des étables afin d'éviter le vagabondage du bétail. Hatungimana Jean-Baptiste est le représentant de l'association des éleveurs de la commune Gihanga. Il indique qu'il y a encore des défis à surmonter afin d'adhérer effectivement à l'élevage moderne. Il évoque par ailleurs le manque d'espace pour la construction des étables, le manque de pharmacies vétérinaires, mais aussi l'absence de médecins vétérinaires, étant donné que les vaches de race améliorées sont sensibles aux maladies. De son côté, Nahimana Catherine, technicienne vétérinaire de la commune Gihanga, indique que cette commune compte 70 000 têtes de bétail, dont une vingtaine de races améliorées. Et l'administrateur de Gihanga de dire qu'il y a une avancée vers l'élevage moderne et appelle tous les éleveurs à vendre les vaches de race encolée pour faire place aux vaches de race améliorées et qui donne de bons rendements. Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Aspes Caritas Kabanyana. C'est sur son élément que nous bouclons ce journal. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. En certain, Jean-Claude Debashirahishize est tombé hier sous les balles tirées par les militaires à la frontière des communes Mukike et Mugongo-Manga. L'administration locale indique qu'il a été tué quand il tentait de s'échapper. Des partis politiques agréés au Burundi demandent le rapatriement du dialogue extérieur. Ils ont formulé leur demande dans une résolution signée ce week-end à Gitega. Et l'acteur politique Tassian Sibomana s'indigne de la construction partout dans le pays des monuments du parti au pouvoir. Il indique que ces constructions ne respectent pas la loi. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Thank you.